T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce premier samedi du mois de février, en ce premier samedi de printemps, pourrait-on dire, puisqu'il fait très très beau dehors. C'est Planète Indie, c'est l'épisode numéro 369, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Et il y a du dossier aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses à vous raconter, vous allez voir, on va encore écouter le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Avec, comme chaque mois, eh bien, des nouveautés, des choses que vous n'avez encore jamais entendues. Allez, je vous cite quelques noms. Les Nightbirds, qu'est-ce qu'on va encore écouter qui est nouveau? Ram Ramakar, Johnny Selfish and the Worried Men. Et puis je vous propose de commencer cette émission avec Willie Bo Walker. Lui, on le connaît déjà, c'est toujours extrait de son dernier album. Bon, vous entendez, la voix est un peu spécial aujourd'hui, hein. Ça c'est le froid qu'on a eu il y a quelques semaines. On commence donc avec Willie Bo Walker et le morceau qui s'intitule Loan Me a Dime. Après ça, ce sera donc les Nightbirds dont je vous parlais à l'instant avec Way Back Home. Si vous aussi vous êtes sur le chemin du retour vers la maison, prudence sur la route et puis profitez de la musique. Time. Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Thank you. l'instant, on écoute les Grammarways avec Misunderstood Enigma. Et avant cela, c'était les Nightbirds, Way Back Home. D'ici quelques minutes, eh bien, on ira à la découverte de notre album Powerplay. Avant cela, on poursuit avec The Beat Caroline et Ocean Drive. Et avant cela, Next Rock Generation, un groupe qui sonne très très très années 80, vous allez voir. Next Rock Generation, on les écoute avec leur morceau Devil in the Skirt. Restez avec nous, vous êtes toujours sur Planète Indie et nous sommes ensemble jusque 18h30. We'll be right back. sea ship, after the whistling winds, after the white grey sails, stowed to the Spartan rooms. Below a myriad, myriad waves, I'm standing lifting up the lips, standing in ceaseless flow, toward the track of the sheep. Waves of the ocean, bubbling, gurgling, lively, flying waves, undulating waves, toward the wily current, laughing and buoyant with girls. Where the great vessels sailing, taking this place to surface. Laughter, small waves, and the spree of the ocean. Voilà, c'était The Beat Caroline avec Ocean Drive. En cela, Next Drug Generation, en raccourci ça fait NRG, qui sonne un peu comme Foreigner, voilà, c'est le nom du groupe dont je ne me souvenais plus. Next Drug Generation, on les écoutait avec Devil in the Skirt. En commençant cette émission, je vous disais qu'il y avait du dossier pour aujourd'hui. Il y aura du gros dossier puisqu'on va parler de la 6e édition du Luxembourg Film Festival. Ça, ce sera pour un peu plus tard dans l'émission. Et le premier dossier qu'on va aborder, c'est celui de notre powerplay. Bah oui, puisque chaque mois, on a un disque et un artiste mis à l'honneur. Aujourd'hui, il s'agit de Cathy Gillan and the Girls, un groupe donc 100% féminin, un trio, puisqu'il est composé de Cathy Gillan, qui joue de la guitare et qui chante, de Claire Adams, qui, elle, est à la basse, et de Stephanie Williams, qui joue de la batterie. Cathy Gillan, eh bien, c'est une artiste qui a été éduquée dans le monde du flamenco traditionnel, de la guitare flamenco traditionnelle, donc c'est assez, assez un peu éloigné de ce qu'elle fait actuellement. Elle a des racines aussi dans le blues, mais elle a une longue carrière comme guitariste de blues, puisqu'elle commençait déjà à l'âge de 14 ans à participer à des sessions de blues, de jam de blues dans sa région de Kansas City. Et puis il n'a pas fallu longtemps pour eh bien, être invité à participer et à supporter des artistes et des légendes locales de blues, ou alors des vétérans invités comme le John Paul's Flying Circus. L'album s'appelle donc lui aussi Cathy Gillan and the Girls. Il y a un morceau qui est un peu considéré comme le hit de cet album, ça s'appelle The Race. C'est le morceau qu'on va écouter tout de suite, c'est le premier extrait. Pour ce soir, c'est notre powerplay, Cathy Gillan and the Girls, et puis on vous mettra aussi la vidéo de ce morceau sur la page Facebook de Planète Indie. Voilà, c'est parti. Cathy Gillan and the Girls avec The Race. Le CD est un peu capricieux aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Powerplay. Powerplay. I'm racing to find my way back. On écoute la variation numéro 47 du morceau Mineral Melody par Gérald Noël. alias Grand Petit Plus. On l'avait écouté avec une version précédente de ce morceau sous son ancien nom d'artiste. Et maintenant, il se lance sous son propre nom, donc de Gérald Noël. Je vous rappelle, c'était le morceau Mineral Melody numéro 47. On va attaquer le dossier Luxembourg Film Festival d'ici quelques minutes. Avant cela, je vous propose encore d'écouter Geister avec le morceau Extra Time. Et puis, on écoutera la Suédoise Len Klingemann avec Mercy Street. Thank you. can see other dreams all made solid, other dreams made real. All of the buildings and all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the sea. Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and gray, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street. Way or inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. Where they moved that sign, dreaming of mercy. In your daddy's arms. Papers from the drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Len Klingemann, elle nous interprétait le morceau Mercy Street et cet extrait d'un album qui s'intitule The Heart is the Hunter. Il est temps d'avancer sur notre gros dossier de ce soir. On n'est pas vraiment en avance aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. Notre gros dossier, c'est la 6e édition du Luxembourg Film Festival, auparavant nommé Discovery Zone, et ils ont changé de dénomination l'année dernière. Alors ce festival va se tenir cette année entre le 25 février et le 6 mars. Le quartier général, eh bien, il déménage cette année, il n'est plus au Ratskeller, il sera sous chapiteau à la place de la Constitution. Donc ça, c'est une nouveauté. Chapiteau qui hébergera aussi un centre de réalité virtuelle et de projection à 360 degrés. Il y a tellement de choses à vous dire à propos de cette sixième édition que je ne sais pas trop par où commencer. Je vous avoue que le dossier de presse, il fait plus de 100 pages et je l'ai reçu jeudi, donc j'ai eu deux jours pour l'ingurgiter. On va faire un peu original, on ne va pas commencer par la programmation, on va commencer par un peu les à côté du festival, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses très intéressantes cette année. Il y a évidemment le cinéma pour les programmations pour enfants. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Je ne vais pas spécialement entrer dans les détails parce qu'on n'a pas spécialement le temps. Il faut savoir cette année que toutes les programmations pour enfants et pour les jeunes seront encadrées et se passeront avec une présentation et peut-être un débat, enfin un échange d'idées. En tout cas, c'est dans l'optique de sensibiliser les publics et spécialement les jeunes publics aux œuvres cinématographiques et à l'image. Il y aura pas mal d'événements spéciaux, donc comme je vous disais. Il y a le Leinster Studio qui organise un casting pour recruter des voix pour faire des doublages, donc ça c'est déjà pas assez intéressant. Il y aura des journées grand public, Meet the Pros, avec l'occasion de rencontrer des professionnels du monde de l'image. Il y aura un atelier d'écriture de scénario qui s'appelle le Pitch Please. Il y aura aussi un atelier de critique cinématographique qui se passera sur trois demi-journées. Et puis donc je vous parlais du Full Virtual Reality Corner, donc ce seront les films en 360 degrés, ça se passera donc au Magic Mirror, c'est l'autre nom du quartier général, donc le chapiteau qui se tiendra à la place de la Constitution. Il y aura aussi pas mal de choses, il y a des associations qui sont nouées avec d'autres lieux de la ville de Luxembourg comme le Forum d'Art Contemporain, où on projettera notamment un film assez cocasse, on va dire, et assez humoristique de Rachel McLean, un film qui s'appelle Feed Me. Il y aura une association avec le MUDAM, et là on y diffusera le film Embrace the Serpent. C'est un film documentaire qui vient de recevoir un prix au festival de Sundance. Voilà. Le musée d'histoire naturelle n'est pas en reste puisqu'il s'associe aussi et il y aura la projection du film History's Future et puis les rotondes aussi où il y aura un documentaire sur on va dire le monde diplomatique luxembourgeois. En tout cas le réalisateur a suivi le ministre des Affaires étrangères dans ses pérégrinations et il essaye de montrer un peu comment le Luxembourg peut faire entendre sa voix dans le concert international des nations. Voilà, ça c'est un peu les événements hors festival. Je vous parlerai un peu plus longuement de la programmation et des coups de cœur de Planète Indie pour cette édition. Je vous dis déjà que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet du festival, c'est www.luxfilmfest.lu, www.luxfilmfest.lu. On en reparle dans quelques minutes, mais pour l'heure, on poursuit en musique avec Christina Stikos et le morceau Human of Peace. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. If you're lonely, baby, I hear you. If you're locked out, baby, I hear you. If you don't have a voice, baby, I hear you. You are a human of peace. If you're standing in the wings, baby, I hear you. If you dream with abandon, baby, I hear you. If your heart's worn out, baby, I hear you. You are a human of peace. If you've come to be someone, baby, I hear you. But you feel like no one, baby, I hear you. If you cannot forget, baby, I hear you. You are a human of peace. If you're restless, baby, I hear you. If you're beaten down but still you question, baby, I hear you. If you fly into the wind, baby, I hear you. You are a human of peace. Up above the world, the stars are giving light. In the emptiness of night, they know the way. I'll wait until I know, and only then my heart will show. In darkness, what it longed to say. Passion pains you, baby, I hear you. If you can't move forward, baby, I hear you. If the moon is your mistress, baby, I hear you. You are a human of peace. If you're scared, baby, I hear you. If you wake in the night alone, baby, I hear you. If love is your sword, baby, I hear you. You are a human of peace. And up above the world, the stars are giving light. In the emptiness of night, they know the way. So I'll wait until I know, and only then my heart will show. In darkness, what it longed to say. Chanson de paix, on en a bien besoin en ces temps bousculés. C'était Christina Stajkos avec Human of Peace. Retour, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay, celui de Kathy Gillen and the Girls. Alors, Kathy Gillen, elle avait sorti un premier album précédemment avec son collaborateur de l'époque qui s'appelait Gogo Ray. Bah oui, ça ne s'invente pas. Elle avait sorti un LP qui s'appelait When I Get Away en début 2012. Et puis... finalement, elle a dû. Ils se sont séparés d'une façon ou d'une autre. J'en sais pas plus. Hein, je sais qu'ils sont. Ils ont cessé de travailler ensemble. Et donc, Kathy Gillen, elle s'est retrouvée toute seule. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer, puisqu'elle a eu l'occasion de faire l'ouverture dans la salle du légendaire de Kansas City, l'ouverture pour le Royal Southern Brotherhood. La salle s'appelait le Knuckleheads. Alors, elle a recruté en catastrophe sa bassiste Claire Adams et puis la batterie Stephanie Williams pour l'accompagner et faire un trio. Et le miracle a eu lieu puisque la chimie entre eux a tellement bien fonctionné qu'elles ont décidé de continuer à travailler ensemble. Et c'est comme ça que le groupe Kathy Gillen and the Girls s'est formé en 2014. Eh bien, elles ont été finalistes de l'International Blues Challenge à Memphis dans le Tennessee. Et puis, elles ont continué à jouer dans des festivals, notamment à Kansas City, mais aussi à Des Moines en Iowa, à Austin au Texas, à Dayton en Floride, à Las Vegas, à Denver, ou encore à Santa Monica. Et elles ont aussi fait l'ouverture pour la légende, enfin les plus vieux, les moins jeunes, on dira d'entre vous, connaissent la légende Joan Jett. Voilà, et puis elles ont aussi accepté une invitation pour jouer au festival annuel international de jazz de Montréal. Et puis elles ont fait une tournée aussi en Suède en 2014. Et puis pour terminer le palmarès, elles ont participé à la croisière en 2015 organisée par Joe Bonamassa, sa croisière qui s'appelait Keeping the Blues Alive at Sea. Nous, on retourne sur l'album éponyme, l'album Kathy Gillen and the Girls. On écoute le morceau Old Best Friend et puis je vous ai mis aussi la vidéo du morceau The Race qu'on a écouté tout à l'heure. Je l'ai mise sur la page Facebook de Planète Indie. Power play. Power play. Listening to Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker Lentz, and you are listening to Planet Indie. Mm-hmm. D'un album qui s'appelle Bread and Circuses. Le morceau s'appelle It's All For You et c'est interprété par le groupe italien Les Psychopathic Romantics. Retour sur la programmation du Lux Film Festival, si vous le voulez bien, la 6e édition, donc il se tiendra du 25 février au 6 mars. On va passer en revue les coups de cœur de Planet Indie. Tout d'abord, dans la compétition officielle, eh bien, moi j'ai sélectionné deux films pour vous. Apple Sauce, c'est une comédie, à la fois comédie et film d'horreur. C'est l'histoire d'un animateur de radio, bah oui, ça aide un peu à ce que je trouve ça bien, qui reçoit des membres humains et se demande un peu qui lui en veut et qui lui fait subir une telle épreuve. Ça se passe à New York, donc... New York, une ville de 8 millions d'habitants, donc ça fait 8 millions de suspects. Et puis il y a un autre film, Couple in a Hole, c'est une coproduction belgo-franco-britannique. C'est l'histoire d'un couple qui décide de se retirer du monde et de vivre dans un trou, comme le titre l'indique, dans les Pyrénées. C'est surtout pour les Pyrénées, mais enfin j'imagine qu'on va avoir de très beaux paysages à voir, je l'espère en tout cas. C'est pour ça, hein, je vous avoue que je l'ai sélectionné. Alors dans la compétition documentaire, puisqu'il y a aussi un festival documentaire, je vous invite à aller voir Under the Sun. C'est un documentaire sur la Corée du Nord. Le réalisateur eh bien, avait fait croire, on va dire, aux autorités qu'il allait faire un film à la gloire du régime de la Corée du Nord. Et puis finalement, c'est un peu cynique, c'est un peu ironique. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis il y a un autre événement. J'aurais pu en parler tout à l'heure dans les événements hors festival, mais il y a un documentaire qui sort qui va s'appeler Voices of From Chernobyl, ou La Supplication en français. C'est tiré, pour ceux qui connaissent, un livre de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015, donc un documentaire qui a été réalisé sur base de ce roman. Et la grosse nouvelle, c'est que l'auteur, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature donc, viendra à Luxembourg pour une soirée littéraire. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est pas tous les jours qu'on a un prix Nobel qui vient à Luxembourg. Allez voir sur le site du luxfilmfest.lu et vous aurez tous les détails. Hors compétition, il y a pas mal aussi de choses qui ont l'air pas mal à aller voir. Alors, je vous le dis sans ordre de préférence, mais il y a le film High Rise, Maggie's Plan, ça a l'air aussi une comédie. Il y a beaucoup de comédies, de l'horreur comédie, on va dire, des films d'horreur, mais très humoristiques. Nina Forever, c'est l'histoire d'un homme qui a eu un accident de voiture, sa fiancée a été tuée et puis il rencontre quelqu'un d'autre et son ancienne fiancée réapparaît dans le lit de son petit ami chaque fois qu'il fait des galipettes, on va dire, avec sa nouvelle petite copine. Voilà, ça c'est le speech de Nina Forever. Pride and Prejudice and Zombies, pour ceux qui connaissent le roman, eh ben, c'est la même chose, on y a rajouté un peu des zombies. Et puis The Lure, c'est une comédie polonaise qui vient aussi de recevoir quelques films. Ça a l'air complètement déjanté, c'est l'histoire de deux sirènes vampires qui sont recrutées dans un cabaret, mais enfin qui aiment bien croquer un peu leurs amants et les faire disparaître. Donc c'est ça qui est un peu pose obstacle à leur carrière de chanteuse. Donc ça a l'air complètement fou, hein, mais bon, pas mal du tout. Et puis dans la série Made in with Luxembourg, le film Colonia, c'est un thriller qui se passe au moment du coup d'état de Pinochet au Chili. Voilà, tout ça c'est une petite partie de tout ce qu'il y a à faire au cours de ce festival, la 6e édition donc du Lux Film Fest du 25 février au 6 mars. Je vous invite moi à acheter le pass, il coûte 25€, il vous donne droit à toutes les séances hors séance spéciale évidemment. Et sinon, le prix par film, c'est 6€. Voilà, tous les renseignements sur luxfilmfest.lu. Je vous ai mis aussi quelques photos de certains films sur la page Facebook de Planète Indie. Je vais essayer de vous mettre quelques trailers de films dont je viens de parler. On va voir ce que ça dit. Pour l'heure, nous, on continue en musique avec The Open Field et Retrofire. Et puis après, ce sera les Blisses Be et Monty Video. C'est aussi un voyage en Amérique du Sud. Beneath the sand. you sing the songs your mother sang and ring the bells your father rang, because I couldn't tell what was tried, living our lives on the side. There'll be a year in the night when nothing the world will survive. Why not just chase them all, paying back on the road? The Argentines cross the bay, given the time I'm gone, don't you stay or delay. In a ring that's added bonds, do we decide on evermore or meddle on the even scores? Cause it's Angel Isle, the treasure is Sir Francis Drake, the claim it is. Cause it's Inverness, the Scottish lore, to Mallers Bay, to Ballina Shore. I couldn't tell what's tried, living our lives on the side. There'll be a year in the night, but nothing the world will survive. Why not just chase the ball, pay it back on the road? Times cross the bay, given the time I'd have gone, don't you stay on the bay, cause I wasn't always wise. 140 miles makes up the real fun play in the city across the bay. A heart that beat so hard, 3 feet or less, a common yard. It wasn't yours or mine, or better than. There's rarely time to miss a friend, because it's OK to SFO. Oh, what a wedding, a mistletoe. And if you sing the songs your mother sang and ring the bells your father rang, because I couldn't tell what was tried, living our lives on the side. There'll be a year in the night when nothing the world will survive. Why not just chase the old, paying back on the road? The Argentines cross the bay, given the time I'd be gone, don't you stay or delay. When I find they really hear us, steer clear from the cheer for at least we feel us. I like the money and the drugs and the women and the bub. Some ladies like the bug, other women give us love. For me it's kinda rough, I don't really feel no trust. Go hard in my bars cause my scars don't make me tough. A star from afar but I'm shooting to the crust. Take pride on, I lie on, I try on and fly on. I'm high on my vibes, the music never dies. Real gents we keep it fly, until the day we die. Make music and use it to groove with for life. Abuse it, deuce it, I shoot if defied. We cruising, deuce it, I'm high all the time. High all the time. Man, I wanna make a million, I wanna make a million hits. As she wiggles her hips, I'm smoother than a kiss on her lips. I'm rarer than a total solar eclipse. I'm more powerful than what this poem admits. This ain't no matchup for you amateurs. I guarantee to bring the sound that'll vanish you. A bunch of mannequins just panicking in the villages that I'm ravaging. Tell them that I'm back again. And metaphorically speaking, there's two ways they play this. You hide or you're seeking. And it's never-ending battle between the strong and the weak. Stay calm as I read the world on my palm. Control my destiny with a flick of my arms. I'm throwing up a fight for the right to drop bombs. And I leave you in awe, I clasp and I'm gone. And if they see it like I thankfully saw, maybe one day they'll thank me for these songs. I don't want thanks for these songs, just my passion, it's all. It's just my passion, it's all. I live it and I give it what I got with no limits. I'm zoned out when I'm in it, like I'm wasting my minutes in an imaginary world in a lake full of women, feeding me grapes while they soak in their linen. Fall asleep to the sound of the trees. I'm lying in peace in a bed full of leaves. I'm dancing away to a soft little breeze. And just the thought makes you soft the knees. This is the place where they found me. It's all beautiful around me. Frown, I turn it upside down. I smile at the face when I'm taking them down. My mind is just pacing in this race for the crown. King of my throne, I'm the dawn in this town. Give him hell when I spit it like a veteran. Just a man who did it better and escaped from the warfields. Croyez-le ou non, et oui, on rappe aussi en Égypte, puisqu'il s'appelle Dubzy, il était égyptien, et comme vous l'avez entendu, il fait du rap. Le morceau s'appelait Chillin'. 18h17, ça avance, c'est effroyable. On va retourner en vitesse sur l'album de Cathy Gillen and the Girls, The Girls, puisqu'elles sont deux à l'accompagner. C'est notre powerplay aujourd'hui. Je vous ai à peu près tout dit sur leur trio, puisqu'il est assez récent. Il s'est formé en 2012, donc il n'y a pas énormément de choses à raconter. Vous pouvez en savoir plus si vous allez sur leur site internet, qui n'est pas mal fait d'ailleurs. Et je vous propose d'écouter un troisième extrait qui s'appelle Woke Up in Spain. Bah oui, on était à Montevideo il n'y a pas longtemps, on revient en Europe, en Espagne, avec Cathy Gillen and the Girls. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Et puis après, on écoutera Johnny Selfish and the Worried Men avec Q de Sac. Power play. I'm not afraid to you, the more I bleed, the more you hide, the more I see. All wrapped up in this misery, there's a wonderful dream of you. Then in a sudden, I misbehave. How many times I couldn't say, and it's logical, playing the game, let the water gently flow through. It's a take true love and give the blame. Maybe then every single day that I wasted longing for you. It's a Voilà, ils ont l'air d'être italiens, hein. Ils s'appellent Johnny Selfish and the Worried Man. On les écoutait avec coup de sac, comme ils disent, cul de sac en français. Eh bien, cette émission touche tout doucement à sa fin. Oui, on a été c'était fort chargé aujourd'hui. On n'arrivera pas au bout de la playlist, malheureusement, de ce soir. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Puisque le prochain épisode de Planet Indie, le numéro 370, se déroulera le samedi 5 mars entre 17h et 18h30, donc sur cette même fréquence. Je vous donne déjà rendez-vous à cette date. Et puis si vous voulez réécouter l'émission d'aujourd'hui, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'écouter la rediffusion demain dimanche entre 17h et 18h30, donc aux mêmes heures sur cette même fréquence. Ou alors vous y allez sur notre site internet, vous trouverez le podcast de cette émission d'ici normalement quelques minutes si tout va bien au niveau technique. Alors on va passer en vitesse en revue aussi le programme de la Rocale. Ce soir il y a Tony Carrera ainsi que Stéphane Escher. Bah oui, il y a deux concerts. Le 9 février c'est Massive Attack. Le 11 vous aurez l'occasion de voir ou de revoir, pour ceux qui ne les ont pas encore vus puisqu'ils sont déjà venus, les Skunk Anansie. Le 12 février John Coffey et Last Train. Alors entre le 17 et le 21 c'est le spectacle Varakai du Cirque du Soleil. 23 février, Charlie Cunningham. Le 25, c'est Big Flo et Holly qui se produiront sur la scène de la Rocale. Le 29, ça risque d'être un peu plus... On va se bousculer un peu plus pour la venue d'Ellie Goulding. Le 2 mars, on ne sait pas s'il sera à jeun ou pas, Arnaud. Le 3 mars, Macklemore et Ryan Lewis. Le 4, De Staat. Le 6, ce sera Glasperlenspiel. Glasperlenspiel, voilà, je pense que je prononce pas trop mal. Ainsi qu'un deuxième concert, Wald. Voilà, pour la suite, eh bien, rendez-vous à notre prochain rendez-vous. Je vous rappelle donc, ce sera le 5 mars entre 17h et 18h30. Voilà, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. La playlist sera aussi disponible sur notre site internet d'ici quelques minutes. Pour l'heure, on se quitte avec un dernier morceau. Il s'appelle Joel Raphael. Le morceau s'intitule When I Go. Bah oui, moi je dois aussi y aller. When I Go, je dois y aller maintenant. Mon temps est écoulé pour aujourd'hui. Voilà, on se quitte. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt sur cette même fréquence. Bonne soirée. When this old plane leaves the ground, don't let it bring you down. Don't let it make you blue. I'll come back to you. When you hear those engines sound, I will be eastward bound for just a little while. So send me with a smile when I go, when I'm away. Your smile leads me through my every day. And there's nothing in this whole wide world that could change the way I love you. I will leave you all I can, though I'm far from here. You'll feel my presence near, as I'll be close to you. When I go, when I'm away, your smile leads me through my every day. And there's nothing in this whole wide world that could change the way I love you. I will hold you in my heart, though we are many miles apart. I'll call attention to the way I love you. When I go, when I'm away, your smile leads me through my every day. And there's nothing in this whole wide world that could change the way I love you. No, there's nothing in this whole wide world that could change the way I love you.